Der Zero. C'est ce que te dit ton patron à longueur de journée parce que ton travail n'est pas la hauteur de sa société, mais toi, t'en as rien à branler. Son boulot de merde, t'en as rien à chier. Der Zero. Lors d'une réunion, tu pouvais pas en placer une. Tu t'es résigné, t'es tombé dans les bras de toi. Tu t'es aperçu, mais tu t'es mis à ronfler. Ton patron s'est énervé. Et tu lui as dit, t'en avais rien à chier. Der Zero. T'es sur le net tranquille en train de glandouiller. Quand ton boss te demande tout ce que vous voulez dossier en tête, tu lui dis sans sourciller que tu l'as paumé. Bah ça va être compliqué. Il va te faire payer. Der Zero. Il tente par tous les moyens de te faire démissionner en te filant tous les dossiers pour aider la société. Il veut appliquer les guides de payer des indemnités, mais toi, t'en as rien à chier. Tu continues à rien branler. Der Zero. La vidéo qui a fait déborder le dé, c'est quand t'es arrivé au bout de toute la torche. Tu t'es mis à pisser dans le tonneau qui est rentré en guise de bougeur pour ton boss. Tu lui as vomi sur les pieds. Der Zero. Il s'est finalement résigné à te voyer au chemin. Ton travail apparemment n'est pas assez appliqué. Mais t'en as rien à foutre, tu l'as fait qu'au cul. Et sa femme t'a raconté qu'il était mal monté. Der Zero. L'enfant prend la quitté et lui a piqué son dos. Tu sirotes une bière tranquille sur son balcon. Tu chies dans ses toilettes en lisant des BD. C'est qui le zéro mec? Eh du coup! Der Zero.